Des fleurs. Ça le CD, fais lire. Délaisser les amis, passer toute la nuit dans le labo avec Oli, ramener le hip-hop à la vie. On a dit juste les rimes et les accords, et on n'a pas changé le monde, non, pas encore. J'annule la trêve, et puis je pars à l'attaque. Mon pote m'a dit tu vis ton rêve pendant que je taffe à la fac. Donc j'en ai rien à foutre que tu te plaignes, faut que t'intègres. Ici on aimerait tous avoir tes problèmes. Il a raison, mais dans le fond c'est pas si facile. La pression et toutes ces nouvelles choses qui m'arrivent. Avec Oli on s'est dit que jamais on céderait. Je veux que celui qui écoute ce son sache que c'est vrai. Ouais, je veux qu'il sache tout ce que j'ai au fond des tripes. Que j'écris ce que je crie, que je vis ce que je rappe. Que je taffe avec envie même si parfois je titube. Que je gratte toute la nuit pour que mon soleil brille plus. Le désert a marché des heures et des heures. Et on s'arrêtera pas tant qu'on sera pas les meilleurs. C'est que le début, on continue le tournoi. On sera jamais à la mode, donc on sera toujours là. Les pros de mon milieu sont des menteurs. Crois pas qu'ils nous ressemblent, ils oublient que la musique ça se calcule pas, non. Ça se ressent, donc allez vous faire foutre, vous et tous vos collègues. Ma vraie victoire c'est qu'on chante mes sons dans mon ancien collège. Merci à tous pour votre soutien d'enfer. À tous les bras mis en l'air, à tous les rappeurs en herbe. On a besoin de vous, les visionnaires qui nous élèvent. Asseyez-vous, vous êtes les réalisateurs de nos rêves. Y'a pas longtemps j'ai changé, je me suis accepté. J'ai traversé le miroir et j'ai enlacé mon reflet. Un câlin avec moi-même, ça peut te sembler taré. Mais si tu ressens de la haine, tu devrais faire pareil. Être adulte c'est pas boire du café et fumer des clopes. C'est respecter sa famille et prendre soin de ses proches. Et je sais que je peux faire mieux. Je veux bien en devenir un si je suis pas obligé de devenir sérieux. Je suis fier quand même, on va pas se mentir. De toutes ces salles à remplir, de notre début d'empire. J'ai décidé de faire le ménage. Et je l'ai eu, mon tourbus, 2 étages. J'ai mis Pikachu dans une boîte. À la prochaine, l'ami, faut que je grandisse dur de se dire. J'en ai bientôt 24. La suite des choses s'annonce grandiose. Avec l'hermano dans le cosmos, en osmose. Papa, tes fils deviennent des hommes. Malgré leur vie de bohème, toujours on met la gomme. Appliqué dans nos poèmes, le début d'un royaume. Les mains de fer qui se tiennent, tout ça en un album. Imagine le deuxième. Et même si peu de gens veulent le croire, on a pris rendez-vous, on attend l'heure de gloire. On nous a dit c'est dingue, vous avez pas changé, oublie pas d'où tu viens, tu pourrais bientôt rentrer. Et même si peu de gens veulent le croire, on a pris rendez-vous, on attend l'heure de gloire. On nous a dit c'est dingue, vous avez pas changé, oublie pas d'où tu viens, tu pourrais bientôt rentrer. Parfois l'avenir chuchote mais je l'entends pas. Yanis me dit la vraie vie, tous nos problèmes c'est quand que t'en parles. Je fais le pitre mais je flippe dans le fond. T'as vu ce qu'on vient de vivre, pense-y pour ta prochaine chanson. De belles rencontres sur mon parcours, les hypocrites comptent pas. Je pense à mon daron et sa guitare qui a plus de contrat. En studio, ma vie de bohème crée des barrages. Peur de dire désolé, j'ai concert le jour de mon mariage. Je voudrais abandonner quand parfois ce monde me dégoûte. Mais à ce père qui me chuchote, les gars mes gosses vous écoutent. Ma grand-mère vient d'Algérie, dur comme ses 20 mois. Je vais fêter mes 20 piges au Zénith et à l'Olympia. J'ai choisi d'être honnête, ouais. Et ce qui est la vérité, rien à foutre, je profite. Si ça s'arrête, c'est que je l'ai pas mérité. On va chanter et changer le monde dans la foulée. J'écris pour entendre le bravo de Flo quand il écoute mon couplet. Merci les gars pour les coups de pouce, pour tout bon mot dans mes coups de blues. Les franges en fait ça bien, mais s'il te plaît, parlez plus de Toulouse. La mort, laisse-moi une heure que je rappe une dernière fois. À la poursuite du bonheur qui est peut-être derrière moi. Je voulais le vivre avec mon frère, que tous nos rêves s'étendent. Je m'en fous de la villa sur la mer, si c'est pour être seul dedans. Mes potes me disent fais-le pour nous, ils me prennent tous pour un fou. Au concert je me suis vu gamin la main en l'air. Dans la foule, dans le champ des possibles, j'ai jeté une graine hier soir mal poli. Je prends la bouche pleine, ouais, pleine d'espoir. Deux frères, un visionnaire. La vie c'est pas que l'argent, le principal c'est d'être heureux et millionnaire. Je déprime à la conquête d'une fille honnête. On me dit fais gaffe, l'amour c'est rare et c'est peut-être le pire remède. En attendant je m'emmène mon corps et je mets mon cœur en quarantaine. Et j'enchaîne de ville en ville, de pleurs en rire, de scène en scène. Seule place du cap, je repense à mon avenir. Mes ennemis sont derrière moi, mais je les vois venir. Je passe devant le McDo, j'ai des potes qui taffent. Eux enchaînent après la fac, moi je rappe et je me plains, c'est ça le pire. On paye pour me voir, on fait pleurer des filles. Je me sens con car dans le fond, j'ai jamais sauvé des vies. Ouais, ta fendure, c'est que le début de l'aventure. Sois-en sûr, devant le mur, ils sont sûrs, mais je sais que le talent dure. Les poings serrés, mon pote a juré sur la mec. Comme j'ai pas de religion, moi j'ai juré sur ma mère. On s'est promis de rien oublier sur sa tête et sur la mienne. Il m'a tendu la main et j'ai juré de faire la même. Cher détracteur, je serai bientôt le meilleur, faut l'admettre. Je préfère enfoncer les portes ouvertes que de me jeter par la fenêtre. Merci pour vos lettres, dur de tout lire pour être honnête. Quand on se croise pour la première fois, j'ai l'impression de vous connaître. Pourquoi moi? Même si tu dis un manque de confiance, je croise les doigts. La tête encore dans les rêves de la veille, j'y crois pas. Mais petit à petit, j'en prends conscience. Et puis toi, imagine juste que tu peux faire pareil. C'est la fin des vendus qui face au micro mente. Elle dit je suis content pour Oli, mais Olivio manque. Je fixe le vide tout en haut de la tour. Un pied dans la cour des grands, maintenant je veux être le plus grand de la cour. Et même si peu de gens veulent le croire, on a pris rendez-vous, on attend l'heure de gloire. On nous a dit c'est dingue, vous avez pas changé, oublie pas d'où tu viens, tu pourrais bientôt rentrer. Et même si peu de gens veulent le croire, on a pris rendez-vous, on attend l'heure de gloire. On nous a dit c'est dingue, vous avez pas changé, oublie pas d'où tu viens, tu pourrais bientôt rentrer.